Voilà, donc je suis très contente de présenter nos deux intervenants pour cette deuxième partie de la deuxième session. Donc il s'agit de Christine Lutringer qui va parler des mouvements paysans entre syndicats agricoles et mobilisation altermondialiste. Et aussi Brigitte Sébastien, qui va parler des millets dans le programme de sécurité alimentaire de l'Inde. Christine Lutringer est chercheure et professeure à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, dans le Center for Area and Cultural Studies. Et Brigitte Sébastien est anthropologue, chercheure à l'Institut français de Pondichéry, où elle dirige un projet sur alimentation et nutrition dans le contexte indien. Voilà, donc je vous invite, Christine, à commencer. Merci. Est-ce que le micro marche? Oui, j'ai l'impression. Non? Vous avez appuyé, c'est vrai? Merci. Très bien, merci. Alors, la sécurité alimentaire en Inde constitue un sujet essentiel dans la politique agricole et alimentaire. Et en même temps, c'est un thème de mobilisation important pour la société civile. Les interactions entre les institutions politiques et les acteurs sociaux peuvent précisément donner lieu à la mise en place de nouveaux programmes agricoles et de développement et de nouvelles lois. Autrement dit, la société civile a une place importante et reconnue par le gouvernement et les différentes institutions politiques dans la gouvernance de l'agriculture. C'est ce à quoi je me suis intéressée dans mes recherches, et je vais parler ici en particulier de la perspective des agriculteurs indiens par rapport à la sécurité alimentaire, telle qu'elle est relayée ou telle que ces perspectives au pluriel sont relayées, parce qu'il y en a de multiples, par les mouvements paysans. On va voir que justement que la sécurité alimentaire est déclinée en différents sous-thèmes selon le type de mouvement, mais aussi selon le contexte régional. Alors pour comprendre, essayer de comprendre en 15 minutes quels sont les types de mouvements paysans indiens et appréhender leur diversité, je vais utiliser des études de cas. Donc l'analyse se fondera sur les recherches que je mène dans deux régions, deux contextes agroécologiques différents de l'Inde. D'une part, une zone de révolution verte, donc influencée par cette dynamique de modernisation agricole mise en œuvre par le gouvernement central dès les années 60, dont on a parlé ce matin. Et d'autre part, une région d'agriculture pluviale, qui est d'ailleurs caractérisée par une forte biodiversité agricole et qui n'a pas ou très peu été marquée par ce type d'intervention. Donc ces études de cas vont permettre de réfléchir pour conclure et élargir aussi un petit peu cette présentation à une typologie de ces mouvements paysans en considérant à la fois leur discours et leurs pratiques. Alors on va distinguer deux volets dans cette action, dans ce positionnement des mouvements sur la sécurité alimentaire. D'une part, ces positions sur le plan des normes ou des politiques en matière de sécurité alimentaire, et d'autre part, sur les éventuels projets de terrain qu'ont ces organisations, ces mouvements en lien avec la sécurité alimentaire. Alors ici, on va considérer le mouvement paysan dans une définition large, c'est-à-dire en observant plutôt l'objectif du mouvement que la forme de l'organisation. Donc on part de cette hypothèse de variabilité de la forme en fonction du contexte régional, mais aussi en gardant à l'esprit des possibles évolutions dans le temps et dans les phases du mouvement. Alors, première étude de cas en Uttar Pradesh occidental, qui est l'une des régions qui fait partie de ces régions dont parlait Frédéric Landy ce matin, de révolution verte, qui historiquement a fourni une grande partie des céréales au système d'approvisionnement public en blé, mais aussi en riz. Donc, je me concentre ici sur la partie occidentale. Donc, on distingue souvent trois grandes régions à l'intérieur de l'Uttar Pradesh, dont cette partie occidentale qui est cette région de révolution verte, qui correspond grosso modo au Doab de l'Uttar Pradesh, c'est-à-dire l'interfleuve entre le Gange et la Yamuna. Donc, c'est une zone au relief plat, une région assez homogène, tant par ses ressources que sa population. Une région agricole presque entièrement irriguée, productrice de blé, mais aussi de canne à sucre et de riz, qui fait partie des campagnes agricoles développées selon la typologie des espaces ruraux indiens qu'avait élaboré Frédéric Landy. La principale organisation paysanne, c'est le Bharatiya Kisan Union, le BKU, c'est-à-dire l'Union des paysans de l'Inde, qui a eu un rôle de premier plan dans différentes mobilisations liées à la politique de prix agricoles et aux subventions aux intrants. Alors l'idée centrale ici et l'enjeu principal pour ce mouvement paysan est de préserver les politiques de sécurité alimentaire qui ont une implication forte pour les paysans propriétaires qui participent au mouvement. Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique de la mise en place de ces politiques de sécurité alimentaire qui ont été décrites tout à l'heure dans la matinée, donc c'était au départ dans la phase initiale de la Révolution verte, en tout cas en théorie, les plus grands exploitants qui se seraient trouvés dans une meilleure position pour prendre les risques inhérents à l'adoption des nouvelles techniques. Mais grâce aux initiatives du gouvernement et surtout à ce système institutionnel de soutien à l'agriculture qui a été décrit ce matin, ces innovations, ces nouvelles techniques sont rendues accessibles également à la plus petite et moyenne paysannerie. Donc les éléments constitutifs de ce système sont, pour revenir à ce qui a été dit ce matin aussi, s'inscrivent dans la politique des prêts agricoles et dans la gestion, l'approvisionnement de grains fait par la Food Corporation of India. Et cet approvisionnement, donc là on se place du point de vue des producteurs, est fait à des prix minimums de soutien qui sont annoncés avant la récolte aux paysans. Donc ça permet aux plus petits moyens paysans de s'insérer dans cette logique de révolution verte en ayant des garanties, des soutiens, des garde-fous et aussi en bénéficiant directement ou indirectement de subventions aux intrants, donc engrais chimiques, pesticides, mais aussi à l'électricité. Alors, l'Uttar Pradesh occidental est une des régions qui contribue à alimenter ce système d'approvisionnement public de grains depuis sa mise en place par le gouvernement indien. Et c'est une grande partie de ces paysans sont donc engagés dans cette stratégie de modernisation nationale et contribuent à approvisionner ce système de sécurité alimentaire de l'Inde. Ce qui produit en retour une affiliation, on va dire, verticale des paysans à l'État central, qui dépendent fortement de ces différentes interventions, de ces mécanismes institutionnels, de ces politiques mises en place par Delhi. Et c'est un élément important pour analyser les mouvements, les mobilisations de ces paysans qui sont impliqués dans ce processus. Car grâce à l'articulation de leurs intérêts par les leaders politiques et ces mouvements paysans comme le BKU, ils parviennent à influencer de nombreux éléments de ce système de soutien à l'agriculture et la préservation des aspects essentiels du système lorsque l'Inde, à partir des années 90, essaye ou réfléchit à la réduction, par exemple, des subventions. Donc, ce type de mouvement paysan que l'on trouve en Uttar Pradesh, organisé autour ici d'un syndicat agricole, en tout cas formellement constitué comme tel à la fin des années 70, en 78, contribue à travers ces mobilisations, ces manifestations à Delhi, mais aussi dans les capitales, dans la capitale régionale d'Uttar Pradesh, à préserver l'intervention de l'État et voire à obtenir de meilleurs prix pour la production et à obtenir des prix, voire la gratuité de l'électricité pour l'usage agricole, par exemple. Donc on observe d'autres mouvements paysans semblables, similaires, dans d'autres régions agricoles de type révolution verte de l'Inde, par exemple en Haryana et au Punjab, où c'est aussi des ailes, on va dire, régionales de ce BKU qui organise les paysans propriétaires insérés dans cette logique de révolution verte, mais aussi au Maharashtra, par exemple, le Shetkari Sanghatana, le Tamil Nadu, le Tamil Agricultural Association, le Tamil Nadu, etc. Et ces mouvements précis de paysans propriétaires insérés dans cette logique de commercialisation, mais en même temps qui dépendent de l'intervention de l'État, organise aussi des mobilisations pan-indiennes à Delhi ou dans d'autres villes indiennes pour donc obtenir ces ses meilleurs prix pour conserver ses avantages ou ses subventions, mais aussi plus généralement pour véhiculer les problèmes liés plus généralement à l'ouverture internationale, à l'ouverture des marchés et les difficultés qu'ont les paysans indiens dans ce contexte-là. Alors, pour faire court, donc c'est en général ces organisations, notamment le BKU, ont un discours rassembleur se présentant comme porte-parole de l'ensemble du monde rural. Alors, une rhétorique qui se fonde sur une opposition manichéenne entre le monde rural uni contre les intérêts urbains. Une rhétorique d'ailleurs suffisamment vague pour permettre de rallier différentes classes et sections de la population agricole rurale et donc un maximum de soutien à la cause défendue, même si la base est vraiment constituée de ces paysans propriétaires, mais de différentes catégories avec des différences au sein des mouvements. Donc c'est aussi des discours rassembleurs et généralement qui critiquent, dénoncent les effets de l'ouverture internationale. Donc on a des actions aussi ponctuelles contre les multinationales, contre l'inclusion des droits de propriété intellectuelle, déjà à l'époque des premières négociations agricoles du GATT dans la première partie des années 90. En même temps, ce sont, je me réfère en partie au BKU, des mouvements qui conservent une identité régionale très forte, avec un leader issu de la région, d'une sous-région en particulier en l'occurrence, le leader du BKU, M.S. Tikait, qui a ensuite été, qui a transmis le flambeau à son fils il y a 2 ans. Donc un ancrage régional, une identité communautaire aussi, même si on essaie de la dépasser. Alors dans le cas du BKU, on n'a pas vraiment de projet de terrain en lien avec la sécurité alimentaire. Sur le terrain, on observe des actions ponctuelles présentées comme défendant les intérêts négligés des paysans à travers le refus de paiement de l'électricité, par exemple. Merci. Dans certains districts où le BKU est le plus ancré. Une chose intéressante aussi, c'est de remarquer une contradiction ou un hiatus entre le discours du BKU et la pratique de la sécurité alimentaire, qui est vraiment fondée sur la préservation du système de soutien pour la production céréalière. Or, on se rend compte, parmi les paysans, qu'il y a aussi des changements à l'œuvre dans la production et dans la diversification aussi des cultures. Diversification des cultures à plus forte valeur ajoutée. Donc il y a toute une réflexion aussi peut-être à faire de la part de ces mouvements sur les évolutions en cours. Dernier point sur le BKU, le lien avec l'international. Donc on se rend compte qu'au niveau régional, voire national, l'organisation est moins forte depuis ces dernières années. Par contre, sa visibilité sur le plan international est importante. C'est une des principales organisations paysannes actives dans Via Campesina, par exemple. Alors, pour donner une autre illustration d'une autre forme d'un mouvement paysan au Chhattisgarh dont Jean-Drez a parlé tout à l'heure. Donc historiquement, une trajectoire agricole tout à fait différente, un État récemment créé en 2000, ce qui figure parmi les 10 États les moins densément peuplés, un climat semi-aride, qui dispose aussi, cet État, d'abondantes ressources naturelles et d'une vaste couverture forestière. Donc, on n'est pas dans cette logique de révolution verte, mais un autre modèle de développement agricole qui se base plutôt sur la culture pluviale et la culture du riz. Et ici, l'enjeu pour les mouvements que l'on observe, qui se mobilisent dans la première partie des années 2000, c'est véritablement préserver la diversité de l'agrodiversité de la région. Donc on a un mouvement paysan qui est d'une autre forme et qui se mobilise, enfin qui se crée, le Chhattisgarh Seed Satyagraha, autour justement de cette question de la préservation de l'agrodiversité régionale, sur la base d'un événement qui se produit en 2002, à savoir une multinationale, Syngenta, qui essaye d'acquérir la collection de germoplasme de riz qui est détenue par l'Université agricole régionale. Visait, en tout cas dans la logique initiale de cette collection, de mettre au point des variétés résistantes aux aléas de la mousson. Et donc ici, la sécurité alimentaire est perçue plutôt comme une réduction de la vulnérabilité à la sécheresse, donc dans une autre logique. Et c'est grâce à la mobilisation des paysans, mais aussi de toute une partie de la société civile régionale autour de ce Chetgarcite-Sadiagra, que l'accord a été stoppé, que le gouvernement a agi. Et donc, il est question ici de la préservation de l'accès collectif aux semences, de la préservation du patrimoine du Chhattisgarh. Et juste pour finir très rapidement sur les initiatives et de terrain de ces organisations, puisqu'on n'est plus dans la logique d'un syndicat agricole qui rassemble des paysans propriétaires, mais plutôt des paysans qui sont mobilisés par le mouvement social régional, le Chhattisgarh Mukti Morcha, qui est un agenda beaucoup plus large que juste les questions agricoles, et surtout de multiples ONG qui participent à ces mobilisations et qui participent aussi aux projets de terrain, en lien avec, par exemple, la constitution de banques de semences, de projets d'agriculture alternative, etc. Donc on a cette notion de sécurité alimentaire ici qui est perçue, en tout cas formulée par ces mouvements paysans comme des formes décentralisées, le besoin de formes décentralisées de sécurité alimentaire. Alors, proposer une mise en perspective finale de ces deux mouvements qui nous incitent à considérer un certain nombre de facteurs lorsqu'on examine ce panorama très large de mobilisation paysanne en Inde aujourd'hui, c'est l'importance de la trajectoire régionale, avec non seulement la trajectoire de développement agricole régional, mais aussi la trajectoire dans les mobilisations sociales qui peut influencer la forme des mouvements contemporains. Une autre chose intéressante, c'est que même si là, dans ces deux cas, on a vu des organisations très différentes, des enjeux très différents aussi, il y a des thèmes communs, donc l'anti-mondialisation dans le discours et les liens aussi avec les mouvements altermondialistes en général. La dénonciation de l'effet de l'implantation des entreprises multinationales, la question des semences et des brevets, et le défi pour ces mouvements, hein, quelle que soit finalement leur forme, c'est de réussir à généraliser les enjeux, à leur donner un sens qui déborde le contexte où il a pris naissance, et là je cite Boudon Iburico, et de la capacité du mouvement à inclure des secteurs ou des publics de plus en plus larges pour assurer une certaine visibilité et pour permettre une pérennité du mouvement. Alors, ces deux éléments, ces différents éléments peuvent être mis ensemble, donc pour essayer de construire une typologie de différentes organisations, différents mouvements auxquels participe la paysannerie indienne. Donc, la trajectoire régionale, on l'a dit, mais aussi l'importance de se pencher sur les différents niveaux d'activité qui, à leur tour, influencent la forme des mobilisations, qui peuvent varier selon l'échelon auquel ces mouvements sont actifs. Par exemple, on peut à la fois contester une politique, un projet, un programme gouvernemental, par exemple contester la réduction des subventions, tout en étant dans une phase beaucoup plus de collaboration avec les institutions publiques à un autre échelon. Donc le rapport aux institutions publiques peut aussi changer. Et bien sûr, l'enjeu des mobilisations, qui dérive aussi de la trajectoire régionale, se traduit aussi par des formes de mobilisation différentes. Donc je vais juste conclure en une phrase en disant que en regardant un petit peu ce qui se passe du côté des mobilisations paysannes, on se rend compte que la sécurité alimentaire et la préservation du rôle de l'État dans le secteur agricole restent un objectif important pour la société civile et pour particulièrement les mouvements paysans en Inde. Et l'autre chose, c'est de considérer ces mobilisations, d'essayer de voir aussi dans une perspective plus large comment elles sont articulées, parce qu'on peut constater, observer les mobilisations qui ne sont pas nécessairement organisées dans le cadre de syndicats ruraux ou de mouvements paysans stricto sensu. Voilà, merci pour votre attention. Bon, merci beaucoup Christine. On va continuer avec le deuxième papier et puis avoir une discussion générale pour les trois papiers de la session. Donc maintenant c'est Brigitte Sébastien qui prend la parole. Ah d'accord. Je change. Voilà. Hein? hein, c'est ça. Bon après-midi à tout le monde et un grand merci à ceux qui ont organisé ce colloque et qui ont accepté de m'intégrer. J'ai été intégrée un petit peu au dernier moment. Je ne pouvais pas louper participer à ce colloque. Et donc je remercie beaucoup, notamment Frédéric Landy. Donc je vais vous parler des milliers. Je me suis intéressée aux milliers quand je travaillais sur la médecine sida. J'ai travaillé pendant quelques années sur la médecine sida, qui est la médecine ayurvédique du sud de l'Inde. Et ces praticiens sont de plus en plus consultés pour des problèmes de maladies liées à l'alimentation. Et en tant que thérapie, ils donnent aux patients des prescriptions alimentaires dans lesquelles rentrent les milliers. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée aux milliers et aussi à l'alimentation. Nous étions en 2008 et en 2008 arrivait, enfin 2007-2008 arrivait la crise alimentaire avec une forte inflation des produits alimentaires en Inde. Et donc j'ai trouvé que le sujet serait beaucoup plus important à développer au sein de l'Institut français de Pondichéry où je travaille. Donc je vais vous parler très rapidement des maladies liées à l'alimentation, à savoir les carences nutritionnelles et également les maladies dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais qui rentrent quand même dans des maladies liées à l'alimentation, qui sont les maladies métaboliques. Et je vais comparer les céréales, deux types de céréales, c'est-à-dire le riz versus les milliers, sachant que je travaille essentiellement dans le sud de l'Inde et que les milliers étaient traditionnellement une céréale qui rentrait dans la composition du régime alimentaire depuis extrêmement longtemps. On sait que le riz a pénétré au Tamil Nadu très tard. On n'a pas exactement des dates, les seuls au 5e siècle avant le Christ, on a quelques évidences en archéologie sur la présence de riz, dans une tombe. Donc on peut se demander plutôt qu'il s'agit d'un riz d'offrande plutôt que d'un riz de culture. Par contre, les gens mangeaient du riz, du millet. Et d'où l'importance aussi de considérer comme céréale dite traditionnelle, hein, on peut le considérer comme traditionnel, et aussi voir comment on peut la revaloriser. Je vais comparer le riz et le millet. Et le riz et le millet au niveau des premières études d'intervention nutritionnelle faites au temps, au temps britannique. Ensuite, voir comment les millets ont été intégrés par le gouvernement et comment les ONG aussi les utilisent pour les développer auprès des populations. Et je montrerai quelques photos d'un début, mais qui peut être prometteur, de l'entrée des milliers dans l'agroalimentaire. Donc on va aller très très vite sur ces datas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on s'était bien soulevé aujourd'hui. La population indienne souffre d'une forte anémie et de forte malnutrition. Les anémies concernent 78-79% des enfants et plus de 50% des femmes, un petit peu moins pour les hommes, que l'on peut expliquer, je pense, par le fait que les hommes vont manger davantage de viande, vont avoir accès davantage aux matières carnées que les femmes, pour des soucis économiques. La femme va se priver souvent au profit de l'homme. Plus qu'une histoire de goût, je pense, les hommes vont plus souvent au restaurant et quand ils vont au restaurant, ils peuvent manger aussi des matières carnées et une sous-alimentation par soit en sous-poids et en retard de croissance. Si on compare les chiffres donc de 2005 et avec ceux de 5 ans précédemment, on s'aperçoit qu'il y a très peu de changements. Le seul changement qu'on peut souligner, c'est plutôt il y a un petit peu moins de sous-poids, un peu moins de retard de croissance. Par contre, l'anémie tend à augmenter. Concernant le profil des maladies métaboliques, à savoir l'Inde est aussi extrêmement connue pour les problèmes de diabète. Aujourd'hui, on arrive certains articles de journaux dans lesquels on parle du diabète de type 2 chez les adolescents. Il est très courant de voir essentiellement les femmes, plus que les hommes, des femmes arriver avec des diabètes à l'âge de 40 ans. Et les hypertensions, le problème des hypertensions, ça peut être dû à beaucoup de choses, à des problèmes de stress, à problèmes de nutrition. Il y a énormément de facteurs, et on voit se développer beaucoup, que ça soit en milieu urbain, périurbain, c'est-à-dire dans les bidonvilles, ou en milieu rural, bien sûr à différents niveaux. Se développer aussi du surpoids et de l'obésité. Alors, sachant que certaines grosses villes peuvent avoir des taux d'obésité beaucoup plus élevés, des taux de diabète beaucoup plus élevés, je pense notamment à Chennai, hein, qui peut atteindre des taux d'obésité de 15-20% et de diabète de 30%. C'est absolument énorme. Alors, je ne vais pas pouvoir aller en profondeur avec ce schéma. Donc, je voulais montrer un petit peu le changement alimentaire, comment il s'est fait, ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. Moi, je parlerai plutôt d'un changement alimentaire qui est lié à différents facteurs, qui sont des facteurs d'urbanisation, mécanisation, changement de vie, sédentarisation, un second salaire, donc on n'a plus le temps de faire la cuisine, etc., etc., avec quelques facteurs qui peuvent accroître le phénomène. On sait par exemple que le faible poids de naissance chez un enfant, quand l'enfant est confronté à l'âge adulte avec un régime alimentaire plus important, peut développer le diabète par exemple. Et puis il y a bien sûr les problèmes d'inflation de prix. Et puis il peut y avoir des facteurs modérateurs qui peuvent être aussi aggravants, ça dépend, qui peuvent être les prescriptions religieuses, les concepts médicaux dans lesquels on ne va pas manger telle céréale parce qu'elle va être dite chaude ou froide, etc. Et puis bien sûr les informations médiatiques qui aujourd'hui mettent l'accent de plus en plus sur ce type de maladie, que ce soit les maladies métaboliques, mais les maladies de déficience nutritionnelle. Donc le régime alimentaire, la céréale rentre à peu près dans, on va dire entre 60, ça dépend bien sûr des groupes socio-économiques des personnes, on va dire entre 65, ça peut aller jusqu'à 85 dans les populations extrêmement pauvres. Donc la céréale va être extrêmement importante et donc elle va être accompagnée de certains éléments. Et là, vous avez un tableau sur la consommation alimentaire qui a été faite par le National Family Health Survey en 2005-2006, qui montre les consommations des autres produits, autres que les céréales, où on peut voir une disparité d'alimentation entre les hommes et les femmes, notamment au niveau des produits laitiers, au niveau je dirais, des viandes, des poissons et des œufs, où la consommation n'est pas très élevée, mais par contre, elle est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Une grande disparité aussi au niveau des catégories économiques, que ce soit les schedule caste, les schedule tribe, les catégories intermédiaires, les hautes catégories, et aussi chez les groupes religieux, notamment les Jains, où on a une forte consommation de lait et une forte consommation de fruits. Les Indiens, de manière générale, consomment très très peu de fruits. D'ailleurs, ça se voit dans le graphique. Et puis, bien sûr, une grande disparité en fonction des revenus. Je n'irai pas plus loin, je pense que vous l'avez compris. Donc, concernant les études nutritionnelles, je me suis intéressée à la malnutrition. Quand est-ce que la malnutrition a été définie et qu'est-ce qu'il y avait, comment, pourquoi ce terme? Donc, je n'ai pas encore trouvé d'explication sur le terme, mais par contre, en travaillant sur des vieux articles dans les ouvrages médicaux, je suis tombée sur un certain nombre d'articles de 1910, ça peut aller jusqu'à 1930, qui ont été faits par Robert McHarrison et son équipe, qui a cherché à répondre à deux questions. Une question d'expliquer les différences physiques entre les Indiens du Nord et du Sud. Généralement, on parlait plutôt des gens du Punjab ou des Sikhs, par exemple, et pourquoi ils sont grands alors que les gens du Tamil Nadu, ils sont petits. C'est une question qui était déjà évoquée au 19e siècle, hein, largement évoquée au 19e siècle. C'était la question sur la race. Et donc l'impact de l'alimentation sur la race. Et la deuxième question qu'il posait, c'est de savoir, quand il y a en période d'épidémie, si l'impact nutritionnel peut être important sur la mortalité. Donc ça a été vraiment les travaux qu'il a mis en marche. Et parallèlement, donc ces travaux, il les a faits. Il les a conduits dans la présidence de Madras. Alors la présidence de Madras est intéressante parce qu'elle c'est une région, donc, comme je vous ai dit, qui à la base consommait plutôt des millets, mais avec le développement du riz en Birmanie, le riz est arrivé en Inde, a inondé l'Inde, et c'est le riz qui petit à petit a commencé à remplacer la consommation de millet. Donc on commence déjà à voir un changement, mais un changement qui avait déjà commencé bien avant, hein. Parallèlement, mais là c'était pas à Madras, c'était à Calcutta, Mackay a travaillé sur l'impact du riz dans le diabète. Et les conclusions de ces deux médecins et leur équipe, le régime alimentaire basé sur le riz décortiqué, le riz de Burma était un riz extrêmement décortiqué, hein. Le régime alimentaire basé sur le riz décortiqué augmente la mortalité des rats. Donc ça, c'est les études de Garrison. Et ce régime aussi augmente le diabète. Malgré ces études-là, la politique alimentaire indienne n'a pas tenu compte. Et puis on va voir qu'avec la révolution verte, c'est le riz et le blé qui ont été promus. Donc là, je mettais un tableau qui avait été développé par Gopalam, qui travaille au National Institute of Nutrition. Maintenant, il est encore en vie, il doit avoir 95 ans. Et donc, il avait fait toute une étude, il avait repris aussi ses études de ses collègues. Il avait développé donc des comparaisons entre les différents milliers en comparaison avec le riz et le blé. Le blé, il faut le comprendre, en tant que semi-complet, c'est pas du maïda, c'est de l'ata, hein, pour ceux qui connaissent les deux catégories. Hein, donc on va voir, j'aurai un tableau beaucoup plus élaboré avec beaucoup plus de micronutriments, mais on voit que l'intérêt de diversifier aussi les millets, les céréales, serait de permettre d'avoir davantage dans sa composante alimentaire de micronutriments. Donc ça serait plus intéressant de multiplier les diversités plutôt que de donner, par exemple, au PDS, une ou deux espèces où on n'aura pas forcément une diversité aussi des acides aminés, etc., etc. Et donc l'Inde a un riche potentiel en millets. Alors ça, c'est les millets qu'aujourd'hui on utilise. Il y en a eu d'autres plus anciens qui aujourd'hui ont disparu. Et donc je vais aller assez vite pour parler donc du programme agricole, comme il s'est, mais on en a déjà parlé à travers Jean Drèze et Frédéric, c'est-à-dire le programme de révolution verte, hein, donc à la fin des années 60, qui a eu donc des incidences. Certes, l'Inde est peut-être devenue autosuffisante au niveau céréalière, mais par contre il y a eu d'énormes problèmes d'impact écologique, hein, on en a parlé avec les intrants chimiques, une baisse de la productivité qu'on commence à voir depuis les années 1990. Je ne parlerai pas de changement climatique, je ne sais pas si réellement on peut parler de changement climatique, mais plutôt d'une érosion des sols, pas forcément un bon savoir pour utiliser les fertilisants, pas forcément un accès aux fertilisants, souvent, surtout quand il s'agit de petits fermiers, ils n'ont pas accès aux fertilisants ou de mauvaise qualité, etc., etc. Donc il y a un ensemble de facteurs aussi qui peut expliquer la baisse de productivité. Donc sur l'alimentation, puisqu'il y a une baisse de la diversité alimentaire, et aussi cette baisse de la diversité alimentaire favorisée par la Green Revolution a provoqué aussi un appel au marché international, notamment des pulses. On a parlé ce matin des oignons, mais par exemple, il y a 2 ans, et cette année, ça a été encore un peu le cas, on a fait appel au marché international pour acheter des légumineuses, et les légumineuses sont passées de 50 roupies à 100 roupies. Donc, comme c'est un aliment qui est extrêmement important dans la composante diététique, ça pose d'énormes problèmes. Et puis, sur la santé, puisqu'il y a une aggravation de toutes les maladies liées à l'alimentation. Et alors donc, parallèlement, tous les programmes alimentaires qui se sont développés par la suite se sont appuyés également sur les céréales développées par la Green Revolution, à savoir le PDS. On offrait aux gens que du riz ou du blé, selon les états, selon les modes alimentaires. Au niveau des cantines scolaires, la céréale utilisée le midi était bien sûr du riz. Et dans les Angavadis, il y a une petite note positive, c'est que la fameuse poudre, qui est une farine qui est composée de blé, de différentes légumineuses, et qui inclut aussi 2 sortes de millet, dont un millet qui est germé. Cette farine a été développée assez rapidement. Alors, selon les endroits, par exemple, en Andhra Pradesh et au Tamil Nadu, ce sont des farines qui sont fortifiées avec de la vitamine A, avec de l'acide folique et du fer. Par contre, à Pondichéry, ce n'est pas fortifié. C'est à peu près les mêmes composantes. Ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile. Oui, oui, oui. 2-3 minutes. Ça va être deux. On va essayer. Donc, alors, au niveau de l'agriculture, donc je vais peut-être pas parler du gouvernement, mais je vais peut-être parler davantage des ONG, parce que mon intérêt, c'était de travailler avec les ONG, de voir comment eux, les ONG, oui, que je revienne un petit peu. Voilà. Donc, le PDS intègre maintenant, avec le riz et le blé, une possibilité aux personnes d'acheter des millets. Le prix est moindre, les gens pourront l'acheter à 1 roupie à la place de 2 ou 3 selon le riz et le blé. C'est un premier pas. Mais quand les gens ont perdu un peu l'habitude de manger des millets ou de les cultiver, comment faire pour les forcer? Parce qu'on peut très bien mettre un programme, mais s'il n'y a pas une aide derrière, personne ne voudra les utiliser. D'autant plus, donc, en fait, l'idée d'améliorer la situation nutritionnelle risque de ne pas marcher. Et un certain nombre, donc le gouvernement lui-même développe un certain nombre de programmes, notamment le développement des milliers, aussi des pulses. Et par contre, les ONG aussi aident beaucoup et travaillent beaucoup avec les petits et les marginal formats. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur Chhattisgarh, et qui les aident pour inventorier toutes les méthodes agricoles traditionnelles, pour créer des banques de semences, aussi pour contrer le fait qu'il y avait des dangers sur des semences. Donc ils font tout un travail essentiellement de préservation du savoir-faire des semences. Ils travaillent avec les petits fermiers en les aidant à recultiver des terres qu'ils avaient abandonnées, qu'ils avaient laissées en jachère, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les cultiver. Et les meillets s'intègrent très très bien, dans la mesure qu'ils permettent une association entre des légumineuses, entre des meillets, entre des oléagineux. Et c'est une culture qui est pas gourmande en pesticides, en fertilisants. Donc au niveau écologique, C'est une céréale extrêmement importante, intéressante. Donc là, je vous montre quelques exemples de multicropping. Ça, en Andhra Pradesh, maintenant au Tamil Nadu, une banque de semences en Andhra Pradesh. Les gens qui ont ces semences peuvent en vendre, ils en donnent et ils les récupèrent. C'est un système assez classique, ils le récupèrent sous forme de grains multipliés. Et donc, au niveau de la consommation, le PDS a intégré les milliers, mais par contre, on ne sait pas de quel millier il s'agira. Et aussi, je ne pense pas pour l'instant qu'il s'accompagne de mesures qui permettra aux gens d'avoir envie de les consommer. Par contre, les ONG, elles-mêmes aussi, travaillent pour revaloriser les recettes, pour découvrir les recettes, faire parler les femmes sur les méthodes de préparer les millets, les mettre dans la cuisine, et en même temps essayer de comprendre toutes les difficultés qu'il y a avec des millets. Parce qu'en fait, les millets posent un certain nombre de problèmes, notamment au niveau de leur conservation une fois qu'ils sont décortiqués. On peut les consommer que dans les 15 jours, 15 jours, 3 semaines. L'idée des ONG, c'est de mettre dans les communautés, dans les villages, des machines qui vont leur permettre de les décortiquer, parce qu'ainsi les milliers sont difficiles à décortiquer, de mettre des machines à disposition des gens pour qu'ils puissent les décortiquer, ce qui permettra aussi de les consommer. Et je termine par 3-4 photos. Donc là, les fameux paquets distribués au niveau des Angavadis, hein, ces fameuses crèches. C'est pour les enfants, c'est pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, et c'est aussi pour les adolescentes. Là, un groupe d'enfants qui mangent, enfin, c'est pas une nourriture qui est très très très agréable, c'est un peu insipide quand même. Et donc on leur donne des espèces de ladou, les enfants ont un peu difficile à le manger. Le porridge, ça passe mieux. Et puis pour faire très très vite, quelques photos juste pour vous montrer le développement de l'agroalimentaire, alors qui peut être porté par le gouvernement, par le biais des universités agricoles, ici Coimbatore, et qui développe un certain nombre de pains en utilisant différentes céréales pour voir le comportement au niveau de la farine, etc., la fabrication de la pâte. Ici, traditionnellement, sur la gauche... Oui. Bon, voilà, je vous donne quelques produits comme ça au passage. Voilà. Juste par souci d'équité pour nos intervenants. Comprends. Voilà, donc j'invite Jean-Drez à revenir sur le plateau et puis j'ouvre la discussion. Donc nous avons une petite dizaine de minutes. Voilà, donc des questions pour tous les intervenants. Je vois plusieurs. Frédéric, vous aviez une question? Merci. J'ai une question pour à la fois Jean et Christine à propos du Chhattisgarh. Quel est le rôle de la guérilla naxalite pour expliquer d'une part le mouvement des ONG, enfin comment ça s'articule, et puis est-ce que ces naxalites ont un rôle expliquant le fait que le gouvernement BJP a beaucoup travaillé pour le renouvellement du PDS. On n'a pas encore parlé des naxalites aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être le moment d'évoquer ce problème et de dire ce que c'est, d'ailleurs, à vous de jouer. Est-ce que le micro marche? J'ai toujours un doute parce que la lumière verte n'apparaît pas bien. Alors effectivement, dans le cas du Chhattisgarh, comme tu le mentionnes justement, on a cet élément qui influence fortement le contexte de la mobilisation sociale et de l'activité des ONG et d'autres mouvements sociaux. Donc on a des cas de violence... des épisodes de violence terroriste qui sont perpétrés par ces groupes qui se disent naxalites, c'est le nom du village de Naxalbari, un village du West Bengal où ont débuté, où il y a eu les premières manifestations de cette forme de violence à la fin des années 60, 67 je crois. Et dans le sud du Chhattisgarh, bon, sur lequel d'ailleurs ne porte pas vraiment mon étude, Mais il y a cet enjeu de sécurité avec sans doute un impact très fort pour les organisations non gouvernementales, des autres mouvements qui auparavant étaient insérés dans ces territoires, qui avaient des projets de développement, des actions qui ne peuvent plus faire. Mais je crois que mes deux collègues, Jean-Drez et Brigitte, avec laquelle j'ai aussi discuté ce midi de la question d'Axalis, sauront en dire davantage que moi. Que je sache, la réforme du PDS ou Chhattisgarh n'a rien à voir avec l'Naxali. Je n'ai pas entendu aucun. Il y a peut-être des liens, mais je n'en ai pas entendu parler. Les Naxalites sont assez indifférents. Ils ne sont pas pour, ils ne sont pas contre, ils n'obstructent pas. Obstruct, on dit ça, oui. Obstruct. Hein? Obstruct. Empêche. Donc, ils ne s'opposent pas au PDS, mais je ne crois pas qu'il y ait un lien. Je l'ai spécifié dans les districts du sud de Chhattisgarh, donc là où il y a des conflits, etc. C'est pas très clair si le système marche quand même. Je n'ai pas vu beaucoup d'études là-dessus. J'ai l'impression que ça marche quand même assez bien, pas partout, peut-être dans les régions les plus troublées et les plus reculées, mais je crois quand même que ça marche assez bien. Donc les Naxalites ne s'y opposent pas et n'essaient certainement pas de faire du sabotage. Mais je ne crois pas, je serais très étonné d'apprendre que les événements politiques qui ont conduit à cette décision de réformer le système aient quoi que ce soit à voir avec les Naxalites. Voilà. Brigitte, est-ce que tu souhaiterais intervenir sur cette question? Je me suis posé la question par rapport à Chhattisgarh, la situation de Chhattisgarh, justement. Je me suis posé la question dans la mesure que les Naxalites s'en prennent à tout ce qui est gouvernemental, en réponse justement au gouvernement qui a cherché à développer tous les avantages sociaux, les écoles, etc., etc., pour en quelque sorte casser les projets de Naxalites. Et moi, je me suis posé la question, c'est justement le fait que le système soit meilleur à Chhattisgarh pourrait être. Par contre, quand j'ai travaillé sur les IDP en Andhra Pradesh, beaucoup me disaient qu'en fait, ils n'avaient pas de carte de rationnement quand ils étaient à Chhattisgarh. Ce sont des gens qui étaient vraiment à l'intérieur de la région, dans le sud de Bastar. Hein. Et beaucoup se plaignaient justement, ils n'étaient pas touchés par les programmes. Merci. Alors, Joël Cabalian. Bonjour, une question pour Christine concernant les mouvements paysans. C'était juste pour savoir quelle est votre analyse du point de vue du fait que ce qu'on remarque, ce qu'on constate quand même aujourd'hui principalement, c'est un déclin des mouvements paysans. D'une part, un déclin des mouvements paysans, peut-être d'autre part, un accroissement des mouvements plus spécifiques, qui sont des niches militantes un peu plus spéciales par rapport à la question des déplacements notamment, mais pas uniquement. Et donc, comment vous interprétez la question du déclin du BKU, du Shetkari Sangatna, des autres mouvements, comme par exemple au Karnataka aussi? Quelle est l'importance de leur mobilisation au niveau national aujourd'hui par rapport aux années 80 qui ramenaient quand même autre chose? Pour avoir été à Delhi pendant quelques années et assister à quelques manifestations, le BKU était particulièrement présent. C'est 2, 3 000, 5 000, 10 000 grand maximum personnes aujourd'hui par rapport à 200 000, 300 000 personnes dans les années 80. Donc comment est-ce que vous faites le lien notamment entre la libéralisation, enfin l'ouverture de l'économie entre guillemets, la question du factionnalisme aussi qui existe, qui est très forte, entre par exemple, si on prend le cas du Shetkari Sangatna, Sharad Joshi qui est pro-libéralisme d'un côté et les autres factions qui sont de type Via Campesina. Et comment s'articule cette scission, par exemple, dans le cas du BKU? Voilà. Merci beaucoup pour cette question qui est effectivement extrêmement importante dans le contexte actuel. Alors, ça pose toute une série de sous-questions et d'enjeux. Donc, comme je l'évoquais dans le cas du BKU, on constate un déclin depuis ces 10 dernières années, un déclin de l'activité au niveau régional. Un déclin dans la visibilité aussi. Ce qui nous amène aussi à considérer, en fait, et à revoir l'organisation comme vraiment une organisation qui a été créée dans une certaine région et qui conserve son ancrage non seulement régional, mais je disais sous-régional au sein de certaines catégories de paysans en plus, et qui a du mal à rayonner au-delà lorsqu'il n'y a pas d'enjeux qui sont susceptibles de mobiliser des catégories plus amples de la paysannerie. Alors, ces enjeux ont été présents à la fin, entre les années, fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, grosso modo, et c'était des enjeux vraiment liés à l'OMC, à la mondialisation. C'était le début, c'était en fait ce changement de paradigme, ces réformes initiées en 91, un peu avant, mais 91 était vraiment le début des réformes économiques, et le monde paysan craignait un petit peu les effets de ces réformes pour le secteur agricole et sur les politiques de prix et de soutien à l'agriculture. Donc il y avait cette crispation pour les réformes, enfin contre ces réformes internes. Il y avait cette crispation autour de la création de l'OMC, hein, donc les années de négociation du cycle de l'Uruguay entre 86 et 94. Donc là aussi, c'est là qu'on avait finalement ces mobilisations panindiennes, hein, qui associaient à la fois le Chetkari, Changatana et puis le BKU et d'autres syndicats paysans. Mais, comme vous le disiez très justement, au-delà de ces grosses mobilisations contre la mondialité, enfin, précurseur des mobilisations altermondialistes ou en partie de cette vague altermondialiste que connaissaient différents pays du Sud à cette époque-là, n'arrivait pas à masquer les différences de vues. Hein. Il y avait, par exemple, cette divergence entre Joshi, du Chetkari Sangatana, et du BKU et d'autres, par rapport à l'ouverture. Joshi disant, mais c'est au contraire nécessaire de libéraliser parce que notre agriculture sera compétitive. Donc ça, c'était un discours, finalement, contrastant avec cette idée générale qui avait été véhiculée par les mouvements paysans. Donc, des désaccords entre les organisations qui n'ont pu être surmontés que dans les grosses phases où des enjeux très, très, comment dire, très porteurs pouvaient les réunir, donc qu'on ne voit plus à partir du début des années 2000. Donc un petit peu un repli des organisations sur elles-mêmes. Et puis, j'ai évoqué aussi dans le cas du BKU, quand on interroge les paysans, on se rend compte qu'il y a deux types d'évolutions qui pourraient être reliées à ce déclin qu'on observe dans la participation aux syndicats, aux mobilisations organisées par ces mouvements paysans. C'est d'une part les changements dans les pratiques agricoles, hein, cette diversification. Donc on dépend certes encore des interventions du gouvernement, de l'achat, de l'approvisionnement par l'agence publique de céréales, mais on a toute une autre palette souvent, hein, je me réfère à la partie centrale, de la partie occidentale du Wassenupi, des productions de fruits et légumes, donc une diversification qui appellerait d'autres demandes par rapport à l'action des institutions publiques, à savoir, on l'évoquait tout à l'heure, de meilleurs transports, de meilleures techniques, enfin, soutien à la commercialisation, chambre froide, etc. Donc on n'est plus dans la logique du discours et des activités des mouvements paysans tels qu'elles l'étaient avant. Donc il y a peut-être un désintérêt aussi. Et l'autre aspect sur les évolutions dans les stratégies des paysans et là dans l'activité collective, c'est on se rend compte aussi sur le terrain que les paysans disent, mais bon, quand il y a un problème, on s'organise informellement, on va voir le district officer et puis on lui explique ce qui ne va pas, s'il y a un problème ponctuel dans la fourniture d'électricité, l'irrigation, je ne sais quoi. Donc il y a aussi d'autres stratégies qui ne nécessitent pas l'implication forcément d'organisation. Alors, je ne sais pas si on peut se permettre encore une question, mais alors très, very brief question, but go ahead. It's really a comment for Christine, which is that, you know, we focus on farmers' movements because we think they're progressive and they're fighting against globalization. But both BKU as well as the Karnatak Rajya Rayat Sangh, both of which have been partners in the Food Sovereignty Movement and members of Via Campesina, both have actually fairly regressive politics when it comes to the treatment of agricultural laborers in their area. And BKU in recent years, especially with the Muzaffarnagar riots, has shown itself to represent the interests of a dominant caste, namely Jats, and to be really hostile to Muslims in the area. So I think one needs to, in general, this comment is not just to your paper, but look more carefully at exactly what we are supporting when one looks at farmers' movements as a force for good, because I think there are farmers and farmers. And in this particular case, what at one time seemed to be a progressive movement against globalization, like Sharad Joshi's movement, is now thoroughly compromised. So I think the challenge now is to find new kinds of alliances and new groups who one, which through to whom one can offer support. Okay, I'll be here. Thank you very much, Amita, for your comment. And actually, these movements, these farmers' movements have never projected themselves as progressive, and they had specific agendas. So just in their discourses, the anti-globalization stance helped them to gain a larger audience. But their relationship to women or to agricultural laborers has never been, their claims were not aimed at other categories of farmers. These movements were really based on the on this what the Rudolfs called the bullock capitalists. So they had specific interests. Sometimes in discourses they project in such a way that from the outside one might have got the impression that being participating in the social forum, World for Social Forum in Mumbai, gave them another image, but internally it was not. It did not translate any change in their positions. Okay. Well, thank you very much. I'd like to suggest we give a round of applause for the three speakers. Start very quickly because we are late. In fact, so I'll just present Anita Batista very, very rapidly. I'll just present Amita Babiskar very rapidly. She's a professor at the Institute for Economic Growth, Delhi. And we know each other quite well because it's not the first time we are working together. And Sunit Arora, who is the redactor en chef adjoint of Outlook, which is a very good review in India, a known review, and specialized on economy. And by the way, it so happened that I knew your father quite well, so I'm happy to celebrate his name here. Okay, please, Amita. Okay. Right. Thank you very much to the organizers for inviting me to this seminar. What I'm presenting before you ask some preliminary questions and hypotheses from new research that I've begun on changing diets and changing agrarian environments in India. And one strand of this research traces the consumption of processed food commodities, like these. And these form an increasingly important part of diets across India. They're also distinctive because they appear neutral in a cultural matrix that's dominated by caste and region-based dietary rules about what you can and cannot eat. The consumption of these commodities tells us something about how citizenship is imagined, cutting across social hierarchies, creating new identities and diluting stigmatized ones based on caste and religious difference and hierarchies. Even as poor Indians struggle to secure access to basic food through, for instance, the Right to Food campaign that that Jean talked about in the morning, they also attempt to include more processed foods in their diets, a tendency that shows the significance of these commodities in the politics of social inclusion and exclusion. Today, I'm going to talk about one specific kind of commodity, namely instant noodles. Oops. Sorry, I had a picture of noodles. Anyway, you can see them right here. Now, why noodles? One, because it belongs to a category of industrial foods, commodities that are produced under capital-intensive conditions. Historically, such foods have been a critical part of industrialization and the emergence of working-class diets and of social groups that are detached from the land in Western Europe. So the work of Sidney Mintz on the importance of sugar in industrial as an industrial food in working-class diets is an important landmark of this kind. Industrial food regimes have also been a part of what are called Fordist economies, based on mass production and mass consumption, backed by a Keynesian social contract on the part of the state. But what's also important in the Indian context is that these products are defined by being, in a way, free from the association with any specific community or region. And they're only marked by the brand of modernity. Now, if you walk along the main road through Delhi University, you'll come across pavement vendors who don't anymore sell peanuts or chaat, the more usual street foods you would have found, but they all sell Maggi noodles. College canteens and restaurants popular with students may still have samosas, but their popularity has been eclipsed by Maggi. Elsewhere in India, a scenic lookout point on the road to the hill resort of Mussoorie, known for decades as Sunset Point, has now been renamed Maggi Point because now that's what you go there for. You look at the sunset while eating Maggi noodles. And while talking to college students in Guwahati in eastern India, in Chidambaram in South India, and in Delhi, I've been struck by how many students said that Maggi was their favorite food. Some said they can't go for a day without eating Maggi. Restaurants serve Maggi dosa, Maggi sandwiches, Maggi milkshakes, indicating the emergence of a vibrant fusion cuisine. Now, in a survey, and I think, Jean, you will find this interesting, in a survey of midday meals served in government primary schools in Delhi, children said they didn't want to eat rajma chawal, that's kidney beans and rice, or chole chawal, that's chickpeas and rice, which are, you know, fairly nutritious meals, combinations of starches and proteins. This is what they were usually served. They said they wanted to eat noodles. Unbranded noodles are popular across classes in rural and urban India. Rickshaw pullers in a busy retail market in Delhi crowd around a chow mein snack cart, twirling strands of noodles slippery with oil and soya sauce onto forks. Workers at highway construction sites in Bengal and Orissa do the same. In urban squatter settlements, as well as in small towns, 5-rupee packets of Maggi make it possible to occasionally, and sometimes regularly, indulge in a treat, one that's heavily advertised on television by no less a national icon than Amitabh Bachchan. So what is going on? How has a food virtually unknown to the vast majority of Indians a generation ago become so popular that is ubiquitous across the country? How has a particular brand of food, Maggi in particular, as manufactured by the Swiss Nestle Corporation, managed to capture millions of Indians' imagination in terms of what they like to eat, what they want to eat, who they are and who they want to be? What is the success of Maggi, a brand name that's now synonymous with noodles in India, tell us about the changing contours of social inequality and aspirations in the country? Now, I'd like to analyze the phenomenal popularity of instant noodles through the concept of consumer citizenship. And this follows a body of work in anthropology that follows the social life of objects of consumption. So, for instance, there's a recent book on mobile phones by Asa Doran and Robin Jeffrey, which looks at the unexpected and unintended political possibilities which are thrown open by the consumption of these new kinds of goods. When I talk about consumer citizenship, I'm looking at citizenship not so much as a political concept based on rights between the state and its subjects, but as a social and economic concept to do with belonging within a nation as expressed through material and symbolic practices. And this is not a particularly new way of thinking about the issue. It's actually, as Satish Deshpande, the sociologist, has argued, the idea of the nation and its citizens has in fact been imagined in terms of the economy from before independence. It was one of the crucial elements of the anti-colonial struggle, where certain commodities that were thought of as Swadeshi or indigenous were the focus of mass mobilization, which also included the boycott of foreign manufactured goods, which was supposed to be undermining domestic industry. In the post-independence period, the main way in which citizens were imagined as coming together and belonging to a common community was by looking at production as managed by a national economy, through the five-year plans, through investment in capital-intensive infrastructure such as dams, steel plants that Nehru described as temples of modern India, and through the development of dedicated industrial towns like Bhilai, Bokaro, and Rourkela. And this is the idea of the citizen as producer patriot. This is a person who, in fact, defers consumption in order to invest energies in producing to produce a better nation in the future. This analysis mainly focused on production, not on the aspect of the circulation and consumption of commodities. However, consumption, especially that of industrially manufactured consumer goods, has emerged as an equally important mode of constituting citizenship. And the spread of these goods has grown in significance in the period since the 1990s, when economic liberalization policies were implemented, unlike, say, in the 1970s, where there were very heavy duties on imported commodities, especially consumer goods, in order to protect domestic industry, leading to what the writer and journalist Guy Frese has called cargo cults. Just like in Polynesia, you had major fetishization around foreign goods. So also in the 1970s, a pair of jeans from abroad or a box of chocolates was highly fetishized because access to these goods was so restricted. But since the 1990s, those sorts of restrictions have gradually disappeared. And what we see is the emergence of what has been called the cosmopolitan citizen, somebody who consumes commodities which are circulating across the world. Now, increasingly, the forms of consumer citizenship in the era of liberalization articulate the citizen through the notion of the right to consume, a right that must be protected through state action, as of course through the Right to Food campaign, but also, I think, more generally. So in the dominant discourse, the economy is now no longer imagined only as a locus of production. It is now more consistently imagined as a marketplace of commodities for consumption, in a shift that entails a move away from the producer patriot to the idea of the citizen as a cosmopolitan consumer. And for members of societies being transformed by globalization, consumer practices have become an increasingly important way of negotiating citizenship. Now, how is social membership being rearticulated through consumer citizenship, more specifically through eating Maggi noodles? Now, the first most important aspect of Maggi consumers in India is that they tend to be young. They're children, adolescents, and young adults. Capturing this demographic slice of India is crucial for the manufacturers of consumer goods. As market analyst Rama Bijapurkar points out, about 7 of 10 households in India have what she calls a liberalization child, who acts as a change agent in that household. They, meaning children, are not just a very attractive niche market opportunity, but are also critical to the mainstream. She goes on to emphasize, I quote, "The mainstream Indian market is a youth market," unquote. Now, the second striking feature of instant noodles consumers is that they are no longer confined to metropolitan and Class A cities. People who live in small towns and large villages eat noodles now, a fact that resonates with sociologist Deepankar Gupta's wider analysis of the changing villager. Rural India still continues to suffer from serious deprivation in terms of certain basic amenities. 45% of Indian villages have no electricity. 70% of rural households have no toilets. But they are growing consumers of manufactured goods, not only durables like mobile phones and motorbikes, but also processed and packaged foods. The share of these foods in the rural household's food basket is rising. National sample survey data show that although food still makes up 50 to 65% of the total monthly expenditure of households in rural India, the category now includes larger outlays on tea, on glucose biscuits, corn chips, bottled beverages, and noodles. This spread into rural India has been made possible not only by companies investing in their distribution network, like these kinds of shops, but also by innovations in packaging technology. For big brand manufacturers of what are called FMCG, fast-moving consumer goods such as snacks and cosmetics, like Nestle, Unilever, and ITC and Pepsi, the development of metallized polymer films allows packaging to be airtight and eye-catching. And this makes it possible to sell small units of processed foods at low prices to those whom marketing guru C.K. Prahlad called the fortune at the bottom of the pyramid. So these shiny packets of corn chips, instant coffee, chewing tobacco, and other products are now ubiquitous in urban and rural markets. In the case of Maggi noodles, the big breakthrough occurred in 2002 when, in response to emerging competition from brands like Nissin's Top Ramen, Nestle decided to sell its instant noodles in 5 rupee packets of 50 grams and to aggressively expand their availability in small towns. So Maggi now has a 75% share of a rupees 2,500 crore market, growing at 20% annually. The consumers of this new food commodity include not only the so-called new middle classes, but also working class people in rural and urban India who can now, in a modest way, enjoy some of the same pleasures as the class above them. In a nation still defined by sharp economic and social disparities, this convergence of consumption styles is celebrated in the media through numerous television ads that resonate with the aspirations of subaltern classes for upward mobility. These ads also signify that consumption is about shared national belonging as constituted through the consumption of that citizenship is about shared national belonging as constituted through the consumption of mass-manufactured and marketed packaged goods. So the latest Maggi ad on television, for instance, shows a fisherman in the sea off the Konkan coast in western India and a young Tibetan monk in the Himalayas enjoying this national dish. As the data shows, processed and packaged foods are proliferating across the class and urban-rural divide among social groups for whom consuming products such as instant noodles and soups would previously have been unthinkable. The association of these foods with modernity is signaled not only by their snazzy packaging, but also by advertising campaigns that stress hygiene and convenience, while also appealing to the premium placed on instant gratification in the present. But their appeal lies not only on their association with modernity. The slogan, "Bas Do Minute," or just 2 minutes, is indeed about instant gratification, but it's also about empowering a mother to immediately satisfy her child's hunger and enduring cultural value across India and perhaps the world. With its emphasis on the sociality around food, the bonding of families and friends, Nestle has taken an unfamiliar food and domesticated it so thoroughly that producers and consumers have begun to blur the boundaries between what is global and what is local, what is new and what is original, through a set of tactics which are to do with trust, comfort, and intimacy. And the same kind of process has been seen in the case of McDonald's in Moscow, which has become a local brand by virtue of how people have identified with it. At the same time, if Maggie is a comfort food for millions of Indians, for even more millions, it is a desired taste. It's a lifestyle aspiration, and even a measure of distinction in Pierre Bourdieu's sense of the term. Comfort and aspiration, need and want, these are the cornerstones of consumer citizenship. One could argue that eating the same product across different social contexts creates a semblance of equality. You're all eating Maggie noodles. There's a shared moment when you're as good as anyone else. In the context of sharp inequalities, is this feeling a consolation? Or is the dissonance between this moment of shared consumption and other aspects of inequality in everyday life a provocation to try and challenge those inequalities? These are open questions. The idea that we are all the same, that we eat the same food, is not a sentiment that has had much success in Indian social life. The emergence of differentiation is already evident with Maggie. There is now the more expensive whole wheat atta Maggie with vegetables, marketed with the slogan tasty bhi or healthy bhi for consumers conscious of the low nutritive value of the product. The idea of mera Maggie or my Maggie is not just about difference as unity in diversity, but also about distinction and cultural dominance. Embedded as they firmly are in a multinational food industry, the larger political economy of these products is deeply compromised, to say the least. Now, one transformation of cultural politics with which we can certainly credit commodities like instant noodles is the decisive shift in the demographics of power, the creation and affirmation of a youth identity within the household and outside. If one thought that noodles were not important to that shift, one has to only remember the report about Jitendra Chhattar, a cup or caste panchayat leader from Haryana, who blamed noodles for causing hormonal imbalance in young men so that they became sexually violent. The widespread ridicule and derision with which this comment was greeted showed how thoroughly noodles have become incorporated into local diets. Older men may express a fear of foreign foods and frustration at rebellious youth who no longer listen to their elders, but for the younger generation, noodles are here to stay. Now, to conclude, what do these trends have to do with the question of food security? I think food consumption, it must be remembered, is not only to do with nutrition and with biological needs, but also about cultural needs and desires. Even as the Right to Food Act tries to accommodate the cultural diversity of Indian food waste to some extent, for instance, including millets and trying to break the monopoly of wheat and rice, it confronts a challenge from the generational shift in what is considered good to eat, moving away from local, more nutritious diets to branded industrial foods of poor nutritional quality, and in the case of noodles, junk food. At the same time, it must be recognized that for poor people, stigmatized by caste and by their rural origins, where the kinds of food they eat have been generally thought of as lacking in prestige, in fact, as demeaning and backward, eating foods which are industrially manufactured and that are, you know, thought of as modern signifies participating in a desired lifestyle of being as good as anyone else And this is where I think the contradictory and the ironic part of these food lies, that despite their low, poor nutritional status, despite the fact that they're produced and heavily marketed by multinational corporations, and despite the fact that they actually stand against the very notion of food sovereignty as one would like to support it, in fact, their consumption allows people an avenue for showing social belonging, for trying to be as equal and as good as anyone else. And we have to recognize that these social aspirations, this quest for equality and for respect, is an intrinsic element of what security and well-being around food is also about. So we have to look at these commodities seriously, not just in terms of their negative effects, but in terms of the kinds of cultural meanings that they have come to take on and symbolize. Thank you. Thank you very much. I find it a very, very interesting subject, in fact. And it reminds me what a French cook was saying in the 18th century, Brillat Savarin. Tell me what you eat, I will tell you who you are. And in fact, what we are eating tells us a lot that we are changing in India, a lot actually. The vision of the world is behind the food. So. Please, Sunit. Aho. Sunit Arora is redactor en chef adjoint de la revue Outlook. Good afternoon. Thank you to the chair and AFUI for inviting me. It's been an excellent presentation. I just wanted to quickly get through my sources first. I work with Outlook, so I've used a lot of Outlook reportage material, the Economic Survey, FICCI, KPMG, McKinsey, CII, Credit Suisse, WSJ India. These are my sources. I'm going to explain why India sees itself as a major agricultural business and high-value provider in times to come. Backed by strong government intervention, there have been, of late, many chances for businesses to make inroads into a complex, regulated environment and very political environment. This has the potential to transform how agriculture functions and meets the needs of the consuming middle class. That said, most importantly, it is a very sensitive area to do business in, as agriculture provides for a high percentage of India's, millions of India's poor. I've broken this section up into three. I thought I'd give a little economic perspective to start off with. It goes without saying that the economy will dominate India's forthcoming elections in 2014. The question is which economic issue will make an impact. There are, to my mind, three candidates. The first is economic corruption. There have been a series of high-profile corruption scandals over the past 5 years, mostly to do with the allocation of scarce national resources, like 2G spectrum, coal, oil, and natural gas. This has badly dented the reputation of the government and led to charges of crony capitalism and resulted in an activist approach by the Supreme Court. While the scandals continue to rage, there has been a direct impact on the economy. Some bureaucrats have gone to jail and under trial. This has led to extra caution by the bureaucracy, and this has been dubbed as policy paralysis by business. Is this a good thing? It could be viewed as a welcome reshifting of priorities that many feel had got too skewed in favor of big business houses. The second candidate is mismanagement of the economy. Jean had talked about criticism about the food bill, and that had stemmed from the timing, the economic problems we are facing at the moment. It is evident that India's growth has slowed, and from the stratospheric levels a few years ago, things are not looking as good. Corporate investment has come down, the savings rate has dipped, and the rupee has lost value. But there have also been wild swings in mood about the Indian economy. So we have shifted from abject despair to a current euphoria in 3 months flat. 3 months ago, people were saying the world is coming to an end as far as the Indian economy is concerned. And today, at least as the time I left India 3 days ago, they seem to be very excited about a whole lot of the stock market is booming, and the festive season has been very, very good. So this is an issue. The schizophrenia means this has also happened in France. In fact, if you think about it, where rating agencies put pressure on governments to keep their economic mandarins on their toes. So you see that also, like it happened with Standard & Poor's in France. You see that in India too. But no one really believes the India story is over. So the growth engine chugs along, and of course it's a little slower, but it's still chugging along very well. And therefore mismanagement of the economy, according to me, will not be a major issue. And therefore, again, the opposition to the food bill is temporary, and it's linked to this time. Which brings me to the third issue, which is the big one, which is inflation, which other people have talked about. But inflation is, in all this, the silver lining has been a good monsoon, which in India means good things. But the paradox is the skyrocketing prices of food in what seems to be an abundant monsoon. And the thing is that for the last 4 years, the government has not been able to quell inflation, and specifically food inflation. In fact, latest data for October shows that retail inflation is at 10% and food inflation is at 12.5%, which in the run-up to elections doesn't sound too good to me. And inflation affects the millions of Indian poor the most, and to my mind, will have a negative impact on incumbent governments in the coming elections. And, of course, to be offset against the possible positive impact of numerous social welfare schemes that have been launched in the last few years, we will know soon how this factor impacts voters' decisions, as at least we have what we call a semi-final, where five states are going to the polls right now. But if you see the issues that arise with this food prices and onion prices going up, it tells you the huge challenges that agribusiness in particular face. Production is not the problem. In fact, as far as wastage goes, the post-harvest wastage of fruits and vegetables remains high. There's a paradox of winter vegetables and arriving at in cities, but vendors continuing to charge consumers steeply. We sent reporters out to the agricultural mandis and chased the value chain, and we found that there was a heavy appreciation in price right closer to the city. But then, of course, despite the electoral impact of food inflation, the government appears helpless. Now, this goes on because obviously, the government is not improving infrastructure to reduce profiteering by middlemen between farmers and consumers. And this is an urgent call for reforms because the middleman has a stranglehold on the delivery chain, and speculation is neither benefiting the farmer or the consumer. These are areas which we'll see a little later on in my presentation, where some businesses are trying some new ways to reach out to farmers and, of course, to consumers. Two other things about how the government reacted in this role. Economic forecasting has been very poor, so it was evident that onion prices were going up earlier this year, but onions were exported. Now, this becomes a very politically sensitive issue in India, where often exports are attacked because people say that we first have to feed our poor. So, again, here there seems to be a big tactical mismanagement. And, of course, another mismanagement is the storage and wastage in government warehouses, which is fueling inflationary pressures. So fundamentally, you have cartelization, speculative trading, and mismanagement which exist in this chain, which is, to my mind, an urgent call for reforms. This slide is actually a quarter-to-quarter slide, but even if I did annualized slides, you would show the dramatic swings in growth rates in agriculture. In the last 5-6 years, it's been as high as 7.9% 1 year, and then goes down to 0.9%. So growth is very poor. The next year, we're expecting a very good monsoon. So growth is expected to go up, but that's immediate. The big the big changes in agricultural space, and there are other experts who will speak about other parts of this, but I will just concentrate on some of the economic aspects, where is that I find that the value of land, agricultural land, has been going up dramatically. So agricultural land prices have been going up by threefold to hundredfold across large parts of the country. There are a variety of reasons being given for why this is happening, but is it black money which is coming in, or other forms of investment? But clearly there is a lot of money sloshing around in rural India. Now, again, this is not to take away from the vast number of rural poor that exist in India. Excuse me. But we have been checking, we have been seeing that there has been a certain number of changes. Excuse me, I just need a little help with this. I think it's... There have been a little number of changes in... yes, sorry. Let's move on. Sorry about that. I think I pressed some button. So there have been some changes visible to economists and companies who we've been dealing with in parts of the rural economy. And we've seen that there's been a big impact of rural roads, cell phones, and connecting rural markets. As we know, that 30% of rural areas are engaged in non-farm activities. So there is some movement happening here, which Credit Suisse has also talked about. But they say that 96% of India's workforce is informal, and 90% of it is in the unorganized sector. And there's this factor of productivity is improved in road connectivity, cell phone penetration, electrification, and so on and so forth. So these new economic clusters that you're seeing are leading to new forms of agribusiness. For example, a village of 2,000 earlier would not sustain poultry farming, but a cluster of 50 villages is. Also, there's, as been mentioned by Amita earlier, there is a greater availability of ready-made packaged food, which is now available all over the country. In fact, gulab jamuns, packaged pickles. And our reporters moved around to look at what was happening during this Diwali season, and they found very little difference between at least what was on offer for rural consumers. Early on, you had specific brands that were aimed only at rural brands you would find in large parts of the country, which would not, you would not make it to the urban brands. But now, thanks to media, you have these brands all over. So there are changes happening there, which is a ripe market, apart from the obvious market of the middle class and the cities that are there. There are other factors also which are there, where there's been increasing job creation in animal farming and poultry, I mentioned earlier. In fact, rural jobs, according to this figure that I have gone up by 3.8 million between 2005 and 2010, and shows that this is one area that there's heavy activity as far as agribusiness is concerned. The other areas that we have talked about, of course, milk, animal feed, fisheries, fruits, vegetables, and horticulture. These are areas where there have been some movement, and some farmers have benefited in select states from attempting these cash crops. Obviously, the opportunities are clear. There's eating habits. A lot of this has been gone over. Healthy food rising, the wastage, and the low yields. But business remains small. Very few Indian businesses even have reached the scale and success of any reasonable standard. In fact, only two of the top 25 global agri firms are in India, and 15 of the top 25 processing foods. So as far as a market goes, it's still very early days, I feel, as far as agribusiness. Again, organized retail is another area where this accounts for just 1%, and now multi-brand retail has been opened up. But this is, again, will take some time to show. One change that is happening apart from the markets is that thanks to technology and the internet, farmers are more aware. And in fact, our reporters tell us that now farmers are constantly in touch with each other in various groups to check on prices. And so they cannot be fooled as they were often earlier. This is a case study that keeps on coming up, and I just thought I'd repeat it for the simple reason that it's the largest internet-based initiative in India, where it's ITC eChopal. It's transformed parts of Madhya Pradesh and the soya farmers. It basically deals with, gives a particular sochalak the right to interact and serve information, retail, and storage facilities to a cross-section of villages. And it doesn't cost much to set up, but it has delivered results. There have been other alternatives which have come up since. There's something called AgriWatch, and there's Drishti. These are all attempts to bring in some technology, again, and use it. There have been, and as I'm saying, by themselves, my reading of the farmers we interact with, that there's they already have some awareness about this technology and are open to it. So that's first step. As far as financing goes, these numbers will tell you that it's gone up tenfold. It's not a very big number, even then, but it just gives you an idea of the scale. And the second chart on the right will tell you which are the areas that investments are coming into. So you can see there's agri products, there's a little bit in contract farming, but logistics, there's money coming in, and seeds, of course, which is controversial. One potential way to look at, you know, even controversial companies, how to tackle the Indian market. In many cases, people have done it very silently. For example, Cargill is now the second largest buyer of grains in the country after the Food Corporation of India. And, of course, no grain is grown by Cargill on its own. And India is one of the three markets where Cargill has a consumer presence. So, and their logic is that in India, most food is still consumed at home. And they have also acquired a lot of local brands. So there's, but you don't see Cargill in the media. So I'm just saying that it's a very silent approach to enter the market. You acquire local brands, you build your distribution network, stay out of controversy, and stay out of trouble. And that is a lesson for others who seek to do business in India. Of course, other authors have also said this, that food security is sensitive, and there's a lot of number of poor people under the ambit of the food bill, and therefore agribusiness has to operate under these criteria. And there's also a big issue of dealing with the vulnerabilities of the farmers, because many of the farmers we've spoken to insist that they get no support, and it's always farm companies, and there's a kind of an antagonistic relationship with the company where, okay, if things go wrong, we will not get insurance, and who will watch out for us? So the farmer clearly is seeking to build trust, which any company that wants to deal with them would need to build this trust. And because of the obvious sensitivities, it is something they would be well advised to do. Obviously, the rules here are known. Land laws is an issue because it's impossible to create large farms. Though, of course, contract farming is happening. Cooperatives have been a big success story in India, but often people complain of political patronage in cooperatives, and there's stuff to be dealt with there. Of course, and improving yields through better seeds and processes is controversial, because GM foods is controversial in India. the government is treating this sector like a major potential business area. I've been invited to 4 food processing conferences in the last 4 months, and so there's obviously a huge overdrive. But obviously, the laws, and since agriculture is a state subject, a lot of the action would emanate from the state front and not necessarily from the central front. In fact, Sainath had mentioned that there was an issue of credit, and I agree, because credit is continues to come out as one of the major issues for not only agribusiness but farmer groups who are working on the ground. And earlier this year, Outlook had done a story on the farm loan waiver scam, where we found that a lot of money and credit that was earmarked for farmers was not actually getting to farmers. So, of course, the problems with India's microfinance sector are well known. So there is a credit issue which would mean that affecting a business down on the ground and getting money to farmers would need to be worked on. The government has announced various plans, setting up mega parks, and which includes standardization and branding. And so these are all issues which our government is looking at, and these things take time, but there seems to be some intent. My final section is, of course, on bridging the trust deficit, which is... I'll quickly go over that. I mentioned earlier there's a lack of intervention by companies in terms of commitments, technologies, and insurance. Only a proactive approach will encourage farmers. So a quick look at a little of how, in Outlook, we've been writing earlier about how packaged food, processed food manufacturers were trying to get into the midday meal, and that was mentioned by Jean. And of course, now there's a Supreme Court ruling that only allows hot cooked meals. But I recently found that at the state level, this changes, because states often say that we cannot provide hot cooked meals. So in Gorakhpur, there's this study which by the National Human Rights Commission, which shows that packaged right-to-eat food, ready-to-eat food had been provided by a firm run by somebody called Ponti Chadda, who runs a liquor empire. And the food was terrible, and it had only 100 calories against the norm of 500 calories. And in fact, 63% of the food and funds were misappropriated. This is a recent example. The reason I'm mentioning this is that the push by firms to enter these government schemes, there needs to be a certain caution, and because of the sensitivities involved, and also because they are at the state level, firms dealing with Indian states would have to be very careful, because there could be issues that play up. Of course, GM Foods there's an indefinite moratorium. I get a sense that it will be pushed through despite all the opposition. It's a matter of time. So therefore, it remains to be seen how the opposition, which is NGOs, are able to make a convincing case, because the government will wait. If not this government, the next government will choose a moment and slip it through. I'm quite convinced about that. To end, just one example of how even today mandis or the agricultural markets are changing, and that shows that some amount of reform is happening, where these are new forms of market discovery in parts of Karnataka, Andhra Pradesh, and Maharashtra. It's fairly straightforward that the farmer brings in stocks and the produce is checked and graded for quality, and there are no blind bids. Apparently earlier, the intermediary would just put his hand in one sack and raise it up and just say, okay, I'm going to give you this price, and the farmer would have no option. Now the farmer can, in these places, can afford to get a proper bid. He can afford to even wait until he gets a bid he's satisfied with, and he pays a small fee to the agricultural market, which is less than the 10 to 12% that usually they come up. And of course, we end with the potential. These are figures by McKinsey, which talk about how big this segment can be. I feel it can be. Of course, it requires a whole lot of interventions. Thank you. Merci. very much. Now you have some time for some questions. I don't know if they will have GM products, but they will have Carrefour certainly soon. Take your time, because they are complex topics. I mean, anthropological approach to food is sometimes difficult to grasp. I mean, if there is no question, like in an auction, I will say stop. We stop because, I mean, we are late, and our session is not, Contract farming has definitely moved forward. We checked with a lot of farmers, particularly in Punjab, and they were very happy with the relationship that they were being built. I don't know about scale, because relationships vary across different parts of the country, but I can say that in the areas that it started off with, where there were already prosperous farmers who were open to experimentation, it has worked. And as far as the companies go, I think this is one area where they have made some way forward. And when organized retail comes in, as they sort out their back end, you can expect more work to go on there. Of course, you can then argue that the farmers are only doing commercial cash crops and not other crops. Thanks. Yes, of course, you can add something. I thought I'd mention Sudha Narayanan's work on contract farming, which actually points out it is scale neutral. And she makes a point that, you know, I just wanted to say that on the trust issue, the challenge of creating trust between companies and farmers, she found that they tended to recruit young men from the area who were, you know, they could basically mobilize kinship links in the community in order to be able to get people to sign on and act as intermediaries between the firms and the farmers. Disagreed with, since we have no questions, I thought I'd go ahead and comment. There's a question now. Okay, I'll make a short, just one response to Sunit's presentation, the part about the, the sort of information is power philosophy that drives things like eChopal and these other, Drishti and all of these other sort of tech fix type solutions to farmers and their access to better markets. Richa Kumar's work shows that, in fact, and she worked on the soya market in Madhya Pradesh. It showed that for all that farmers could know where the best price was available, they actually usually ended up going to the same mandi anyway because of having to calculate transport costs, because of the actual amounts of produce they had to market. It didn't make sense to go to the place where the price was better, because other factors would override the price advantage. So she actually cautions that this idea that if farmers have more access to information, they'll suddenly be able to make more informed decisions, in fact, goes against the very real constraints that farmers operate within. So I think that the whole sort of revolutionizing potential of some of these kinds of information technologies has to be, has to be downgraded a bit. Thank you. Jean-Luc? And two, considering the potential that your graph have underlined, billions of dollars, politicians are mixing with this potential market? Is this a kind of party line position? Is it something which is supposed to be a part of an election campaign next spring? Or is it simply a new field which is open to politicians for trying to, I would not say manipulate, but to be a part of a decision-making process? No, multi-brand retail is still very up in the air. Though it was pushed through right now, many political parties, including the BJP, who have opposed it. So people are not very clear which direction it will go. In fact, there's a game going on right now where Walmart is refusing to come in, and neither is Carrefour and other multi-brand retailers. And so, funnily enough, the sticking point at this stage is e-commerce, where the multi-brand retail players are trying to push for further concessions, and they're trying to get FDI, or foreign direct investment, in e-commerce. And the government is resisting this, and though they have given a lot of other concessions. I think as far as the big retailers, like Walmart, they're waiting to see how politically things change, if they do. I don't think, even if the government changes and it becomes, say, a BJP government, I don't think they will reverse the move, though, of course, I'm not in the prediction game, but it's just a thought. So they will wait a bit, and then they will make their plans and come in. They have got a lot of concessions, and I think that it could be better for the consumer, though that's a controversial statement, but I feel that consumers could benefit from this. So Millets versus Maggie, it seems at one level as if what Brigitte and I are describing are counter tendencies. One, a movement from below to try and make Millets more popular once again. And one, a movement by multinationals to try and create markets for these extremely processed products. I think that's in fact what is going on. You do have these two opposing tendencies. But I think what complicates the picture and which I think represents a challenge for the millets movement is really that of generational change, that there are people who have grown up with the idea that wheat and rice are more prestigious, eating millets is no longer about, you know, it's not sophisticated, it's not, you know, urbane to eat the so-called coarse cereals. What is interesting is that the redesignation of millets from coarse cereals to nutritious cereals is actually happening with companies like Nestle, who are selling more expensive brands of Maggi, which have millets in them, like Ragi, to upper-end consumers. So in a way, the revalorization of millets has happened, but among elite consumers, whereas among a number of poorer consumers, what they ate traditionally, millets, maize, etc., is on the decline because their aspirations are to eat something that is seen as more sophisticated, namely polished rice and processed wheat or maida. In some ways, I think, the other question that's here is really about very difficult choices before us. Not talking about Nestle and noodles right now specifically, but about the larger category of industrially produced foods, by which I mean not only processed foods, but also foods which are produced through capital-intensive agriculture of the kind that occurs in, you know, on large farms and so on. Because I think even though in some ways we would all like to support the idea of local organic food as something which is important politically, as in terms of food sovereignty, and that's important ecologically as well. The thing is that with increased urbanization, we are going to need to feed larger and larger populations who have no relationship with the land. And how that can be done without actually, you know, continuing with industrial food regimes and industrial agrarian regimes is, I think, not a question that anybody has satisfactorily answered. So whether we like it or not, we're stuck with these systems at the national level and at the global level. So the question really is, how do we make them better, and you know, so that the ecological and social costs can be minimized? Last question, and then we have a break, isn't it? It doesn't work. The micro doesn't work now. Would you like to come up? The influence of India in the neighboring country is considerably increasing. So my question is that the relationship between the farmer community in Pakistan and in Bangladesh, is that something which will influence, accelerate, and make a greater importance for the changes taking place in India? Thank you. There has been some amount of trading between our neighbors. In fact, the most interesting new development I hear about is how GM foods are now available in Bangladesh, and they're being grown across the border. So there's a lot of concern that the GM foods will now cross the border and cross-pollinate our GM foods. But apart from that, there has been, I don't have the figures of the trading between our neighbors, but there is agricultural trading that is taking place between the neighbors, and it's quite satisfactory. End of the session. We have coffee or tea break with cakes and no noodles.